Un jour à Babylone, des hommes décidèrent d'une seule voix de construire une tour monumentale pour dominer la terre, la stratosphère et tous ses alentours. Le sommet de la tour percera les nuages, nuages qui entourent le plus haut du soleil. Soleil pour éclairer tous ces milliers d'étages, mille étages vers le ciel où l'on voit des merveilles. C'était au temps de la tour de Babel, Dieu mélangea tous les mots pêle-mêle. Quel charabia de consonnes et voyelles, le singulier est passé au pluriel. Ils se mirent au travail pour empiler des briques et des briques de bêtises et d'orgueil. Orgueil inépuisable, quand tout devient magique, et magique comme Babel, la tour du tape-à-l'œil. Les hommes de Babylone ne parlaient qu'un langage, un langage sans cœur, aussi dur que la pierre. La pierre qui n'entend pas la force du message, un message d'unité pour la terre tout entière. C'était au temps de la tour de Babel, Dieu mélangea tous les mots pêle-mêle. Quel charabia de consonnes et voyelles, le singulier est passé au pluriel. Afin d'en terminer avec cette folie, la folie de ces hommes qui voulaient être Dieu. Dieu mélangea les phrases, les mots à l'infini, et l'infini se compte en étoiles des cieux. Ne parlons plus pareil, cessant de maçonner, maçonner l'absurde, les hommes ont décidé. Décidé de partir, de tout abandonner, abandonner la tour et leurs folles idées. C'était au temps de la tour de Babel, Dieu mélangea tous les mots pêle-mêle. Quel charabia de consonnes et voyelles, le singulier est